Funérailles. Al-janaza. Le terme janaza désigne la dépouille d'une personne, mais aussi ses funérailles. Le prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui, a recommandé à sa communauté de préparer rapidement les funérailles du défunt et de l'enterrer tout aussi rapidement. Le prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui, a dit « Empressez-vous de conduire le défunt à sa tombe. S'il était une personne vertueuse, vous l'emmènerez vers ce qui est bien pour lui, et s'il ne l'était pas, vous aurez allégé vos épaules d'un fardeau. » Hadith rapporté par Al-Bukhari. La personne décédée doit être lavée et enveloppée dans un linceul. Une prière particulière, appelée Salat al-Janaza, la prière mortuaire, est accomplie sur le mort. Ensuite, il doit être enterré. Suivre le cortège funèbre est un acte méritoire. Le prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui, a dit qu'un musulman a 5 droits sur les autres musulmans. Parmi ceux-ci, suivre son cortège funèbre. Il a aussi dit, « Quiconque assiste aux funérailles d'un musulman jusqu'à l'accomplissement de la prière obtient un qirat en tant que récompense. Et quiconque y assiste jusqu'à l'enterrement obtient 2 qirats. » Quelqu'un demanda, « Qu'est-ce qu'un qirat ?» Il répondit, « C'est l'équivalent de 2 énormes montagnes. » Hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Les femmes ne sont pas autorisées à suivre la procession funéraire ou à visiter les cimetières. Comment accomplir la prière funéraire? Premièrement, le corps de la personne décédée doit être placé en direction de la Qibla, la Mecque. Deuxièmement, l'imam se tient debout pour la prière. Ceux qui le suivent derrière lui doivent former au moins 3 rangs, conformément aux paroles du prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui. Quiconque a eu 3 rangs au moment de la prière funéraire, alors le paradis sera son refuge. Hadith rapporté par At-Tirmidhi. Troisièmement, l'imam lève les mains au niveau des épaules ou des lobes des oreilles et dit « Allahu Akbar » à haute voix. Ceux derrière lui en font de même. Quatrièmement, ensuite, il récite la sourate l'ouverture, Al-Fatiha, à voix basse, de même que les personnes derrière lui. Cinquièmement, puis, il lève les mains de la manière indiquée précédemment, prononce un autre takbir, et récite cette formule, Allahumma salli ala Muhammad, wa ala ali Muhammad. كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أو الله fais l'éloge de Mohammed et de la famille de Mohammed comme tu as fait l'éloge d'Abraham et de la famille d'Abraham, certes, tu es digne de louange et majestueux. Ô Allah, bénis Mohammed et la famille de Mohammed, comme tu as béni Abraham et la famille d'Abraham, certes, tu es digne de louange et majestueux. Ceux qui prient derrière lui en font de même. Sixièmement, puis il lève de nouveau les mains et prononce un autre takbir pour la 3e fois. Les fidèles derrière lui en font de même, et tous invoquent Allah en faveur du mort. 7e, enfin, l'imam lève une dernière fois les mains et prononce un dernier takbir. Il conclut la prière en prononçant le salut final uniquement à droite. Et ceux qui prient derrière lui en font de même.